c'est ma vie. Avant des 10 balles, je veux une cavalière et devenir un mec plus stable. Je suis avec Efkan et Thibaut en train de pousser à la salle. M'amène, c'est sans surprise, la météo annonce du sale. Je veux pas passer ma vie avant des 10 balles. Je veux une cavalière et devenir un mec plus stable. Je suis avec Efkan et Thibaut en train de pousser à la salle. M'amène, c'est sans surprise, la météo annonce du sale. CFDP ont réussi à me faire vriller. Je redoute le jour où va mourir ce bon vieux Johnny Hallyday. Fais tourner le bête, c'est moi qui dis quand il doit tourner. Les vieilles ont peur que je vole leur sac, les jeunes me demandent de le vider. Super Saiyan quand je suis sous Bobber, son rôde en 4x4 un peu comme les shivers. Je tape du pied tous ceux qui vont en teuf. J'ai semé les graines, fallait semer les keufs. Mon bureau c'est la petite table au fond du Bahar. Je dois bibi pour vivre, mais je veux vivre pour mon Ahar. Du sale depuis le début, qualité toujours au menu. La street je l'ai vécu, je viens représenter ma tribu. De la vie je suis déçu, j'ai pas de complexe quand je suis tout nu. Parle-lui que j'étais perdu. Je veux pas passer ma vie avant des 10 balles. Je veux une cavalière et devenir un mec plus stable. Je suis avec Efkan et Thibaut en train de pousser à la salle. M'amène, c'est sans surprise, la météo annonce du sale. Je veux pas passer ma vie avant des 10 balles. Je veux une cavalière et devenir un mec plus stable. Je suis avec Efkan et Thibaut en train de pousser à la salle. M'amène, c'est sans surprise, la météo annonce du sale. Lorenzo, pleure pas, je serai toujours là pour toi. Quand y'aura plus rien à fumer, quand le temps et l'ennui ne seront plus à tuer. Rappelle-toi la première fois qu'on a goûté à l'autotune. Du premier Yankee qui nous a réclamé des thunes. Demain y'a père qui se fasse le veto. Donc les mythos, que j'ai péto. Le grinder bipé au détecteur de métaux. On leur fait que du sale depuis le préau. Tiens, j'ai trouvé un bougie sous ma semelle. On allait chez les condés, glisser des quenelles. Je veux pas passer ma vie avant des 10 balles. Je veux une cavalière et devenir un mec plus stable. Je suis avec Efkan et Thibaut en train de pousser à la salle. M'amène, c'est sans surprise, la météo annonce du sale. Je veux pas passer ma vie avant des 10 balles. Je veux une cavalière et devenir un mec plus stable. Je suis avec Efkan et Thibaut en train de pousser à la salle. M'amène, c'est sans surprise, la météo annonce du sale. En vrai, je t'aime le poteau Emilien. Moi aussi, je t'aime. Du sale. Du sale. À la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Ouais, c'était des bars. Putain, qu'est-ce qu'on se marre. Poteau. Hein. QDST. Oh. Lorenzo.